J'ai trouvé ma place près de toi, mon amour. J'ai trouvé ma place avec toi tous les jours. Cette formidable chance que la vie nous a donnée de pouvoir t'enseigner. Ce feu qui brûle en moi n'est rien à côté des flammes de l'enfer. J'ai trouvé ma place près de toi, mon amour. J'ai trouvé ma place avec toi tous les jours. La force de l'univers ne pourra jamais nous prendre notre amour. Si un jour je me rappelle pour être à ses côtés, j'essaierai de lutter. On sait bien que l'amour est dur et assassin. C'est un monde obscur, le cœur d'un homme qui s'est perdu dans la souffrance. Mais demain, que seront nos vies? J'ai peur d'être seul et que tu m'oublies. Le cœur d'un homme brisé d'amour et qui se meurt. Place avec toi.